T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know, sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes le samedi 4 février, c'est l'épisode numéro 381 de Planète Indie, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Comme vous le savez très certainement, vous pouvez nous écouter via les ondes RTN, vous pouvez nous écouter via le câble télédistribution Luxembourg, via Internet, et apparemment il y a des nouveautés, puisqu'on peut aussi nous écouter via la télédistribution, ou en tout cas pour les abonnés Proximus, voire vous, à confirmer en Belgique. Donc partout en Belgique, nous sommes disponibles via ces canaux, donc on s'étend, c'est bien, et on étend aussi notre public. Donc on espère apporter la bonne parole à tous ces nouveaux auditeurs, on leur souhaite la bienvenue. Et je vous propose de commencer tout de suite la programmation de ce soir par un extrait du nouvel album de Corna Cronin. Il est australien, son album s'intitule Southern Loss. Et nous, le morceau qu'on va s'écouter, j'allais dire ce soir, mais on voit que on va vers le mieux, en tout cas dans la partie nord de l'hémisphère, puisque les journées allongent, il ne fait pas encore noir, donc dire ce soir, c'est un peu aller vite en besogne maintenant, donc on va dire en cette fin d'après-midi, donc on commence la programmation musicale avec Corna Cronin, et un morceau intitulé Forgetting the Blue, restez bien avec nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, vous écoutez Planète Indie. Is I painted you in color, but you dressed in black. Still illuminating, golden years gone by. Staring at a photo of yourself, and you start to cry. When the streets don't seem to see your point of view. While the painter slowly points his brush to you. Spirits are rapping on your door. Forget about the stone standing all in a line. There's nothing more insignificant than time. Although the stones may slip and slide from you, while you say you want your solitude. Yeah, I'll be forgetting. Yeah, yeah, I'll be forgetting the blues. Dans l'hémisphère sud, puisqu'on a commencé cette émission avec, je vous rappelle, Corna Crona et son morceau Forgetting the Blues. On était en Australie avec lui et à l'instant on a voyagé, on est arrivé en Afrique du Sud. Il s'appelle James Saunders et il nous interprétait le morceau Fish Fever. On continuera à voyager encore pas mal au cours de cette émission. Je vais déjà vous donner un petit aperçu. On ira au Brésil, on ira sur la belle île de Chypre. Et puis pour l'heure, eh bien, on écoute le Gravel Hose Project avec The Party. Vous allez voir, la voix, elle ressemble par moments étonnamment à celle de David Bowie. Well, the lights are on now, and everyone's home, but they ain't. s'appelle Costis Chavelles, il nous interprétait le morceau Sick as a Dog. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce début d'émission. Et avec un nom pareil, l'ami Costis, il doit avoir des origines grecques. Et en parlant de grec, eh bien, nous irons tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'est dans exactement à peu près 4 minutes, sur la partie grecque de l'île de Chypre, puisque c'est là que nous emmène notre album Powerplay aujourd'hui. Puisqu'il s'agit de l'album d'une artiste qui s'appelle Arda. Elle a accompagné de son groupe les Stolen Moon. Ça, c'est donc pour dans un peu plus de 3 minutes 30. Avant cela, on va encore écouter Brian Kullman, un morceau intitulé Memphis Madeline. Et puis, en parlant de Costis Chavelles et de Arda aussi, si eh bien, vous aimez leur musique, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook parce qu'ils en font partie. Donc, vous aurez un accès direct à ces artistes. Voilà, je laisse la place à Brian Kullman, Memphis Madeline. The dogs of the north and the dogs of the south, they can't agree on nothing, they just bark and roll about. And the evening smells like whiskey, the water tastes like wine. So come on back to Memphis, Madeline. Come on back to Memphis, Madeline. When you reach the end of hunger, what have you got? When there's nothing that you want, what do you want? When your bags are tied with bits of string and twine, oh, come on back to Memphis, Madeline. Come on back to Memphis, Madeline. Il est 17h22, je vous rappelle, vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante et du meilleur de la musique alternative. Pour l'heure, il est temps de passer à la découverte de notre album Powerplay, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit d'un album un peu confidentiel puisqu'il est sorti à peu près 300 exemplaires. Il est sorti le 17 octobre 2016, donc il est tout chaud. On l'a pour vous, on a réussi à en dégoter un. Enfin, quand je dis on l'a dégoté, c'est plutôt l'album qui est venu à nous. Et c'est un artiste, une artiste donc à la fois moitié arménienne, moitié chypriote. Elle vit sur l'île de Chypre, elle s'appelle Arda, de son vrai nom Arda Gevarian. Et pour l'occasion, elle est accompagnée d'un groupe qui s'appelle le Stolen Moon. Au niveau de sa bio, ça a été un peu difficile de récolter des informations, mais Arda, elle m'a un peu aidé, elle m'a envoyé quelques notes, donc j'ai trouvé quelque chose, et puis voilà, on a réussi à trouver quelque chose. Donc quand elle était enfant, eh bien, elle a commencé à prendre des cours de piano, puisque ses parents pensaient que ce serait bien pour elle de faire un peu de la musique. Donc elle a commencé très jeune à jouer du piano, et puis elle a commencé à écrire ses premières chansons à l'âge de 16 ou 17 ans. Et puis elle était vraiment super motivée pour faire carrière dans la musique, en tout cas faire quelque chose dans la musique, peut-être pas carrière de façon professionnelle, mais au moins faire un petit parcours musical. Donc elle s'est mise en tête d'enregistrer justement ses chansons, et elle a demandé à ses parents de lui acheter un synthétiseur. Donc elle s'est acheté un synthétiseur Yamaha à l'époque, et elle a enregistré comme ça sa première démo qu'elle a envoyée à des radios et puis à des petits labels. Et les réponses étaient assez positives, mais bon, il y avait quand même encore du travail à faire, notamment au niveau de la qualité d'enregistrement ou de sa manière de chanter. Je vous propose d'arrêter là pour sa présentation, le début de sa présentation, et de passer un premier extrait. Le premier extrait que j'ai choisi, il s'appelle Crazy Bridges. C'est un morceau où il y a une énergie qui est bien présente et avec une très belle mélodie d'ouverture, vous allez voir. C'est un morceau qu'on peut écouter et réécouter plusieurs fois sans lasser. Je vous rappelle donc son nom, elle s'appelle Arda Gevarian. Elle est accompagnée du groupe le Stolen Moon. L'album s'appelle Minutes into Years, et on vous mettra aussi une vidéo dans la page Facebook du groupe de Planet Indie. Pour l'heure, on écoute donc un premier extrait, le premier extrait qui s'appelle Crazy Bridges. Puis je vous rappelle aussi qu'elle est dans notre groupe Facebook, donc n'hésitez pas à lui faire des commentaires sur sa musique, je pense que ça lui fera plaisir. Power play. Power play. Thank you. this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Ça dépote, hein, comme on dit, ça bouge pas mal. Il s'appelle les King of the Tramps. C'est extrait d'un album intitulé Cumplir con el Diablo. On écoutait le morceau Depression. Bah, j'ai pas l'impression qu'ils le sont beaucoup déprimés, les King of the Tramps. Je vous rappelle qu'avant, on écoutait Arda and the Stolen Moon avec Crazy Bridge. On écoutera encore deux autres extraits avant la fin de cette émission, enfin de cette émission qui est programmée aux alentours de 18h30, comme vous le savez. On a pas mal de dossiers à voir aujourd'hui, puisque vous le savez très certainement, si vous ne le savez pas, eh bien je vous l'apprends, que le mois prochain, à peu près dans un mois, on sera en plein cœur du festival, film festival de la ville de Luxembourg. Donc je vous l'annonce déjà, on en parlera plus longuement au cours de la prochaine émission, l'émission du mois de mars. Mais il y a aussi le festival du film d'Amour de Mons qui va commencer la semaine prochaine, vendredi prochain, du 10 au 17 février. Et vous le savez peut-être, on le suit en particulier depuis l'année dernière. Il y a pas mal de choses au niveau de la programmation. Il y a une compétition internationale qui regroupe une douzaine de films. On peut notamment citer Planétarium de Rebecca Zlotowski, Mon ange de Harry Cleven ou encore Le parc de Damien Manivelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une compétition, ça c'est la compétition internationale, il y a une compétition européenne qui aussi eh bien, regroupe une douzaine de films. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Il y a le film Patient qui a été réalisé par Grand Corps Malade. Il y a La ragazza del mondo, c'est un film italien comme vous pouvez vous en douter, ou un film grec avec After Love. Et puis il y a une spéciale cinéma belge, spéciale cinéma du monde. Il y a pas mal de choses, il y a des conférences, il y a des activités, et puis il y a les soirées à l'hôtel Van der Valk chaque soir du festival. Donc toutes les infos sur www.fifa-mons.be, fifamons.be. Pour l'heure, on continue en musique avec le groupe les Tomboys, un morceau intitulé All Dressed Up. Et puis après, on écoutera ça c'est une nouveauté, c'est la première fois qu'on l'écoute. Et après, on écoutera encore une autre nouveauté, Pagliacci. Comme son nom ne l'indique pas, ils ne sont pas italiens, mais ils sont ukrainiens. Avec un morceau intitulé Black Flowers. Voilà, je me déplace à la musique avec les Tomboys. All dressed up. Voilà, c'était le fameux morceau ukrainien Pagliacci avec Black Flowers pour l'heure. On continue notre voyage dans la partie sud de la Terre, dans l'hémisphère sud. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait du côté du Brésil. Et bien, il n'y a pas que de la samba au Brésil, il y a aussi du rock. La preuve avec ce groupe Balba et le morceau intitulé One Man Army. Balba. Ils sont de Rio de Janeiro. Everybody's on the run. Run for your life, sir, come undone. You've got me shooting with a gun. And all those wanna have been fun. I think that I should let you know. Is there some fear in your soul? Then all you people never grow. And your brown eyes will never glow. Shining tears are gonna shine. of me. Behold the best I've never seen. Stop blaming you or everything. Instead of blame my melody. So why should my soul with a gun? Without you I just came undone. I'm sure I can't do this alone. Cause since the day that you were gone. Oh no. Voilà, c'était Balba avec One Man Army. Ils étaient originaires, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de Rio de Janeiro. 17h49 minutes, retour sur l'album Powerplay de ce soir, l'album Minutes into Years de Arda et de son Stolen Moon. On s'était quitté tout à l'heure à l'enregistrement de sa première démo quand elle l'a envoyé à des radios et à des petits labels qui lui disaient « Bah oui, c'est bien, il faut continuer comme ça. Pour l'instant, on ne peut rien faire, mais il faut progresser. » Et comme eh bien Arda elle était super motivée pour faire quelque chose de la musique, peut-être pas en vivre, mais en tout cas se faire un petit nom, elle a décidé d'aller là où musicalement, en tout cas en Europe, ça se passait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle voyait la chose, du côté de Londres. Elle travaillait à Chypre, elle a demandé à, eh bien, à son employeur de l'envoyer à Londres pour eh bien, essayer de progresser. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle, pour être tout à fait précis d'ailleurs, elle travaille à la Banque de Chypre et elle a été donc envoyée au bureau londonien de la Banque de Chypre, pardon. À Londres, elle a joué dans des clubs, dans des bars, elle a rencontré des gens du milieu, elle a commencé un tout petit peu à se faire un nom et elle a enregistré d'autres démos un peu plus professionnelles, un peu plus abouties. Elle a vécu 3 ans là-bas, mais bon, il n'y a pas de secret. Londres, c'est un peu comme ici, il y a un peu moins de soleil qu'en Méditerranée, donc elle en a eu marre, elle avait eu besoin de soleil, donc... Eh bien, elle est retournée à Chypre et eh bien, c'est là qu'elle a rencontré son producteur. Je vous propose de voir tout à l'heure comment ça s'est passé avec ce producteur parce que ça n'a pas été gagné du premier coup. Mais on va écouter un second extrait. C'est un morceau qui s'intitule Dreams. C'est l'avant-dernier de l'album. L'album s'appelle Minutes into Years. Je vous ai mis une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais aussi essayer de vous mettre le lien vers son site à elle. Mais pour l'heure, retour à la musique, le morceau Dreams, cet extrait de Minutes into Year de Minutes into Years de Arda and de son Stolen Moon, et on écoute le morceau Dreams, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Powerplay. Powerplay. Sticks and stones break my bones, but adversity drives me home. I'm not giving up on my song. It will be my way or no way at all. Cause what's right and what's wrong? It's not in the dictionary. This whole thing, maybe, just imaginary. I don't wanna be living in a fantasy. What's now hard ground? Back to reality. Somebody that's not me. Cause I've got dreams. I'm gonna spread out my wings. And my wings, they're gonna fly into my dreams. Life is full of surprises. They come in many different shapes and disguises. And the truth lies deep down within. To run wild, to run free against the wind. And if they say that this is insanity, I've got to do something that's revolutionary. I'm being true to me, that's not a feminine. And what's right and what's wrong, it's not in the dictionary. This whole thing, maybe, just imaginary. I don't wanna be living in a fantasy. Gonna fly me to my dream. Gonna fly me to my dream. What's right and what's wrong? It's not in the dictionary. This whole thing, maybe, just imaginary. I don't wanna be living in a fantasy. What's now hard ground? Back to reality. I just realized my life's a misery. I don't wanna be somebody that's not me. Cause I've got dreams. I'm gonna spread out my wings. And my wings, they're gonna fly me to my dreams. I've got dreams. I'm gonna spread out my wings. And my wings, they're gonna fly me to my dreams. Gonna fly me to my dream. Gonna fly me to my dream. Gonna fly me to my dream. With love, should've known better than to mess with love. She walked in, I had to see her eyes shining brighter than a diamond ring. I took the hint and jumped right in. Pleasure feels better when it's laced in sin. Love mess with love, should've known better than to with love. We both snuck out, we took the car. Can't say we ever really got too far. Skin pressed tight, the kiss was strong. This kind of trouble never takes too long. Love mess with love, should've known better than to mess with love. She goes home, till I can't keep count. I can't write s'appelle Jeff Boots, il nous interprétait Mess with Love Every Other Night. Bah, s'il a des problèmes d'amour une nuit sur deux, ça veut dire que la nuit qui reste, eh bien, ça se passe assez bien. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Bon, pour l'heure, une autre nouveauté, une autre nouvelle venue dans Planet Indie, elle s'appelle Joanna Lilvic. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup son EP 5 titres que j'ai reçu de Peter, mon ami Jamie Fran en Suède. Et voilà, je vais vous en passer et faire partager une partie de ce morceau. Le morceau s'intitule It Was a Day. Vous allez voir, c'est un peu différent des guitares qu'on a entendues. Par moments, on sentait un certain morceau de Björk. Je reviens plus sur le morceau, mais bon. Elle s'appelle donc Joanna Lilvic. Elle nous interprète It Was a Day. C'est gentil, c'est frais, c'est tout bon. Was a day that I fell from the sky. It was a day, was a day, was a day, was a day, was a day that I fell from the sky. It was a marvelous day to fall. It was a marvelous day to fall. It was an hour, an hour, an hour, an hour, an hour that I flew over town. Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. We'll stop singing, the cows all ran away. away. The flames are rising higher. The moon is turning black. Run, Johnny, run. Run, Johnny, run. Run, Johnny, run. Son, don't look back. Minute after midnight, knocking at the door. Vous avez peut-être reconnu la voix de Lynn Hanson, puisque c'est pas la première fois qu'on l'entend dans cette émission. Lynn Hanson, accompagnée de son groupe Les Good Intentions, elle nous interprétait Run Johnny Run. Je vais m'en sortir. Aujourd'hui, je commence à fatiguer. Hein. 18h04, pourtant on a encore une demi-heure à passer ensemble. C'est pas fini. Dans quelques minutes, retour sur l'album Minutes into Years de Arda and de son Stolen Moon. Avant cela, on va écouter Richard Kegel accompagné du Voodoo Choir. Bah oui, rien de moins que cela. Avec le morceau Thunder Lightning. Encore un morceau qui dépote bien Richard Kegel and the Voodoo Choir, Thunder Lightning. Retour sur l'album Minutes in Two Years de Ardael de Stolen Moon. On s'était quitté tout à l'heure dans sa présentation en disant qu'elle avait rencontré son producteur. Le producteur s'appelle Robert Camassa. Elle l'avait rencontré via un ami commun et elle en a profité. Elle lui a demandé si elle ne voulait pas produire son album. Elle lui avait donc donné un CD démo avec 10 chansons et pour que lui l'écoute. Alors il avait commencé, bon, il a été un peu déçu au début parce que il n'était pas super impressionné. Bon, c'était bien, mais c'était pas mal. Il était prêt à abandonner parce que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Et puis il arrive à la piste numéro 8 et puis là, il y a eu un déclic, il s'est dit « oui, c'est bon, on va faire quelque chose ». Alors ils ont réuni la crème de la crème des artistes chypriotes pour enregistrer cet album. Ça s'est enregistré au New Music Studio à Chypre. Et ça a donné cet album 10 titres, Minutes in Two Years, donc Minutes in Two Years, qui a été tiré à 300 exemplaires en CD. Et puis ils ont lancé une campagne de crowdfunding, comme ça se fait beaucoup en ce moment sur Indiegogo, pour sortir une version vinyle de cet album. Et apparemment, ça a été un succès, puisque j'ai eu l'information comme quoi l'album Minutes in Two Years allait sortir en vinyle dans le courant du mois d'avril. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Quelques petites nouvelles ou petites informations accessoires sur Arda. Donc je vous ai dit qu'elle était à moitié arménienne, moitié chypriote. Sa couleur favorite, c'est le bordeaux, le pourpre. Et puis ses chansons, elle parle de son passé, de son présent et pas vraiment de son futur, parce qu'elle dit « Nobody knows what tomorrow brings ». On ne sait pas vraiment ce que l'avenir a en réserve pour nous. On va donc écouter un troisième extrait qui s'intitule « You're not you lately ». Je pense qu'on l'a déjà écouté dans cette émission. C'est un morceau avec pas mal de pistes, de passages au piano. Et puis faites attention aux paroles, puisque on peut tous plus ou moins s'y retrouver dedans. Je vous ai donc mis une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie, la vidéo du morceau « Dear Lover ». Je pense que vous savez à peu près tout maintenant sur cet artiste, Arda and the Stolen Moon, l'album Minutes in Two Years. Et maintenant, donc, nous écoutons le troisième et dernier extrait pour aujourd'hui, en tout cas, de cet album, You're Not You Lately. Power play. Power play. Water on your heart. Ooh, baby, you're not you lately. Why, oh why? Don't you worry, we'll write a new story, make you into a star. Much harder than it seems. Well, matters is the journey to your dreams. Oh, baby, I'm not you lately. Why, oh, why? Don't you worry, we'll write a new story, make you into a star. Things can't always, always go your way. You gotta take a ride. But somehow one day you'll get where you're going. Just fly to the sky. What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? You can't stop feeling blue. What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? You can't stop feeling blue. Yeah, your sister looks fair, lay loud on her feet. Your sister's got some. Voilà, c'était Sit Your Bands Down avec les filles de Delvox. Le morceau suivant, c'est un souvenir, c'est extrait d'un double album de Cantal, leur best-of, Purpurea. Ça s'appelle 292, sous-titré au Darker Shape Mix. Cantal, moi je les avais vus ici à Luxembourg. C'était au Rotonde, si je me souviens bien, mais ça date déjà d'une paire d'années, hein. C'est comme ça que je les ai connus. Cantal, on les écoute avec 292, au Darker Shape Mix. Et puis après, en ce qui concerne eh bien, les concerts, on ira voir ce qui se passera à la Rocale en ce mois de février 2017. C'était le souvenir du jour, on va dire, le groupe allemand Cantal avec 292, la version Darker Shape Mix. C'est ce qui va se passer au niveau de la Rockale ce mois-ci. Le 7 février, Benjamin Biolay. Le 11 février, Listen to Haiti, avec une entrée gratuite puisque c'est pour des œuvres de bienfaisance. Le 12 février, Bullen Silent avec Kronk, pendant que notre morceau suivant se met en route. C'est Lamar Dissol avec Yes Soul, mais comme c'est un instrumental, on peut se permettre de parler dessus. 14 février, il y avait un concert, il ne se prêtait peut-être pas à la Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça qu'il a été annulé. En tout cas, si vous aviez des billets pour le concert du groupe de 1975, faites-les-vous rembourser puisque le spectacle est annulé. 17 février, Sniper et Freeze Festival. Le 24 février, le groupe Lucky Chops. 1er mars, Avenged Sevenfold avec des invités spéciaux Disturbed and Chevel. Ensuite, on arrive au 4 mars, Petit Biscuit, 7 mars, 16, le 8 mars, Elio et les Storietese. Ça a l'air d'être italien. Et puis après, la suite, on la découvrira au cours de notre prochaine émission. J'en profite pour vous dire que notre prochaine émission se tiendra le 4 mars sur cette même fréquence. Notez-le donc dans vos agendas ou rejoignez-nous sur Facebook pour être automatiquement tenu au courant. Pour l'heure, on poursuit donc avec Lamar Dissol avec Yes Soul, c'est notre avant-dernier morceau, et puis après, il sera tout doucement l'heure de se quitter. Malheureusement, ça va tellement vite. C'est un morceau qui se termine un peu brutalement. En tout cas, notre émission Planet Indie, on va la terminer un peu moins brutalement. On va se quitter avec un dernier morceau qui s'intitule Release on Sex, le Prodrillen de Theodore Black. Cette émission Planet Indie numéro 380, elle sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence et sur tous les canaux par lesquels vous pouvez nous écouter. Je vous rappelle, via le câble, télédistribution, via Internet et dès à présent maintenant sur l'offre de Proximus en Belgique, de toute la Belgique et apparemment chez vous aussi. Donc voilà, on est très contents, on se retrouve le mois prochain. le mois prochain, le 4 mars, pour l'épisode numéro 382. On ira un peu plus en profondeur sur la découverte du festival du film de la ville de Luxembourg. Pour l'heure, on se quitte donc avec Theodore Black, Rollies and Sex. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous retrouve donc dans un mois. D'ici là, bon week-end et à très bientôt. I roll a blemmy when I'm done with you. She hit me up, she was like, what you doing, boo? Me, I'm just chilling with my crew. I was thinking about you and your satire moods. She asked, what you doing in the afternoon? Her yard was roaming empty, so she built me on my celly. Lovers dispute them halfway across the city. Not a penny, spend it on a blue card and some henny. But I'll come regardless, no pun intended. Let's have a threesome with some Mary J. I'm on that kind of wave, the way she'll make you feel. You'd be amazed, the finest haze. There's no need for haste, enjoy the velvet taste. Silk tunnels run my hands with the slowest pace. So slow you can count the days.